بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معك الكتاب، كتاب مغلق. ما معنى الثلث عندك؟ دقيقة. الجم دقائق. عجبا يعجب. ممتاز. ممتاز. جاهز يجهز. نصح ينصح. ربع. رجاء يرجو. طيب، نساوي بالباقية التمرين الرابع. الساعة الأولى الآن، كم الساعة الآن هذه؟ الساعة الآن الثانية عشرة والثلث. نعم، التي تحت. الساعة الآن الثامنية وخمسة وعشرون. الثامنة. نعم، الثامنة. الثامنة. الثامنة وخمسة وعشرون. وخمسون وعشرون دقيقة. سبعة وخمسة وعشرون. سبعة وخمسة دقيقة. مؤنث يخالف، كل ما بين الثلاثة عشر يخالف. تحت. الساعة الآن الثانية والثامنة وعشرون. الثامنة وعشرون. كم؟ عيد. الساعة الآن الثانية والثامنة وعشرون. لا، لا بروند الثامنة الآن. نعم، ولسي بشيف نعمل سكوال ثمانية. كمان تدير مذكر ثمانين، عند التنوين وعشرون. ثمانية وعشرون. نعم. ثم الساعة الآن الرابعة إلى عشر دقائق. نعم، تحت. الساعة الآن الثامنة إلا خمسة وعشرين دقائق. إلا خمسة وعشرين دقائق. دقيقة. دقيقة. دقيقة. فوق دقيقة. دقيقة. Je répondrai pas. À la titarte. Tadad. C'est à 10. نعم، دي رقمي. لكن أنت ما تعلمت هكذا، أنت بقى دي عشرة ونصف. طيب، عشرة وثلاثون.

Après, ils mettent au Mouannaf, au Moussanna, Hazani Rasani. Donc, Hada, c'est l'ism Shara, Muzakar, Al-Mufrad. C'est quoi son Moussanna? Hazani. Donc, tu dis Hazani Rasani. Tu as vu l'Awel? Hada Hada Hada Hada Hada فصل Hada Hada Hada Hada Hada Hada Hada Hada Hada Hada Hada هذان كتابان نعم هذا قلم هذان قلمان هذا درج هذان درجان ما معنى درج؟ هذا باب هذان بابان هذا مكتب هذان مكتبان هذا ملعب هذان ملعبان هذا مدرس هذان مدرسان نعم فهذا المذكر الآن سنراه في المؤنث رابعا حول كما في النموذج نموذج هذه عين هاتان عينان دونك منو اسم إشارة للمؤنث المفردة سي هاتان طيب هاتان الأول هذه الساعة هاتان ساعتان نعم هذه صحيفة هاتان صحيفتان نعم هذه سيارة هاتان سيارتان هذه حافلة هاتان حافلتان هذه حقيبة هاتان حقيبة المجد يا ما في هذه حقيبة حقيبة هاتان حقيبتان نعم هذه مساحة مساحة هذه مساحة هاتان مساحتان Massaha, c'est une gomme ou une éponge, c'est une chose pour essuyer. Tayeb al-Khamis. Voilà le khamis, c'est son laisse que j'ai pas compris le renoncer. Enfin, l'énoncé j'ai compris, mais après quand je vois ce qu'il y a en dessous, hein, je vois pas ce qu'il veut. C'est un peu le fourda. Donc Inch'Allah, de toute façon vous avez compris, hein. Ça c'est une kitab awal en slan. Ma'atajan, nata'akharfi. Sadisan, Bashara, imlal faragat, jumal a'atiyati, bi'irtiyal, kilomètre, mima sabati, mima yali. Yann tiku. Prononcer ou parler. Ada'un, c'est le fait d'accomplir une chose. As-sunnah, ma'alouf. Tu'allima. Attends, la phrase, ils ont dû faire une erreur de harakat. Toi le lima, j'ai compris. Non, c'est bon, c'est à cause du 1 qui est. C'est toi le lima. Non, c'est bon. Toi, je mets oula, min, ensuite faror, un darsila, yadeik, fil wodo, salat marrat. Donc, deux, telle chose, que tu laves tes deux mains lors de l'odo trois fois. Asa yarsilou, c'est lavé. Asa yarsilou, c'est lavé. Thanien, yajibu alika an farah ibnaka kifa yatawadda. Donc il était obligé, voyez, de le trou là,

Man allama al-ibna al-wudu'a. Qui a enseigné au fils comment faire le wudu en fait? Le wudu. Thalithan, bimaza yabda'u al-wudu'. Par quoi commence-t-il le wudu? Maza taf'alu ba'd al-istinshaq. Que fais-tu après avoir aspiré l'eau par le nez? Maza taf'alu ba'd mas al-ras. Que fais-tu après avoir essuyé la tête? Illa ayna tawajjaha al-ibnu ma'a walidi. Où se dirigeait le fils avec son père? Wa'akada. Mafhoum hada? Wa'adan shalat tayammum. سؤال؟ لا. فلهنا والحمد لله رب العالمين.